L'affaire du coffret. 14e. بدأت أشك جديا بعدم براءتي وعدم براءة ناديا. هل أنا شريك في السرقة فعلا؟ لأتابع الاستماع إلى ذكرياتها. مardi 12 novembre au commissariat. هنا أيضا الأحداث مؤرخة. كوميساريا. حسنا، هو يوم الثلاثاء في شهر تشرين الثاني. دوز، أين المفكرة؟ ثلاثاء، 5، 12. كان إذن الأسبوع الذي تلا السرقة. J'ai perdu ma carte d'identité. C'est pour une déclaration de vol. Oui, ici commissariat Clignancourt. J'ai un vol de véhicule. Je voudrais un passeport. Oui, je vais rejoindre mon fils aux États-Unis. Commissaire Magne, un instant s'il vous plaît. Pourquoi mon chien? J'en ai marre moi. C'est ma faute. Commissaire Magne. Alors, Madame Breton, Nadia. Asseyez-vous. Vous êtes né le 12 mars 1968. Oui. Domicile Hôtel Montmartre. Le 12 mars. في الثاني عشر من آذار. ولكن 1968. هل هي السنة؟ طبعا. 1968. هذا هو تاريخ ميلادها. على الأقل أصبحت أعرف عمرها الآن. Vous êtes né le 12 mars 1968. Oui. Domicile Hôtel Montmartre. C'est ça. Et qu'est-ce que vous faites au musée de la vie romantique? Je travaille sur George Sand, justement. لكن لقد سمعت ذلك جيدا. ماني. كوميساريا. كلينيانكور. لدي موعد هناك مع الشرطة أنا أيضا. يجب أن أذهب الآن. Entrez. Voilà notre journaliste. Je m'appelle Magne, Charles Magne. Votre nom? Je m'appelle Mourad, Luca Mourad. Alors, vous habitez l'hôtel Montmartre, comme Nadia. Quelle est votre nationalité? Nationalité? Oui, je suis syrien. L'exposition sur la vie de George Sand, c'est chez vous. Alors, qu'est-ce que vous faites à Paris? Pardon? Vous faites? Je ne comprends pas. Oui, vous, au musée, à l'hôtel des Arts, le coffret, hein? Alors? Je travaille. Je suis journaliste. C'est ça. Et le coffret de George Sand, c'est un souvenir de vacances. Je m'appelle Magne, Charles Magne. يحاول أن يفعل مثل جيمس بوند هذا المحقق. إنه شكاك. Alors qu'est-ce que vous faites à Paris? Vous faites. فعل faire. Je fais. Tu fais. Il fait. Nous faisons. Vous faites. Ils font. ماذا أفعل في باريس؟ لكن هذا واضح كالشمس. أعمل على كتابة مقالة. يبدو أن هذا المحقق يعتقد أنني شريك نادية. أن سوفونير دو فاكانس. ما هذه المسحة؟ À suivre.